J'avance en filet, aucune porte de secours. À 20 ans, je me dis qu'il faut tenter, même si ça fait peur. J'ai pas de plan B, je pose tout sur un seul chemin. Je me bats pour demain, même si demain c'est incertain. On m'a dit de sécuriser, mais je préfère viser haut. Quitte à tomber, je me relèverai sans drapeau. On veut tous réussir, mais faut prendre la tempête. On veut tous briller, mais la vitesse nos têtes. Je garde le focus, même quand je suis dans la brume. Je laisse les doutes derrière, même s'ils reviennent comme une enclume. Pas de plan B, je vais droit dans la lumière. Même si j'ai peur, j'avance, je sais pas faire l'inverse. Pas de plan B, je me permets, je suis sincère. Je vise haut, même si les autres trouvent ça trop amer. Pas de plan B. On vit trop vite, on vit trop fort, on vit trop flou. On veut la victoire sans comprendre ce qu'elle joue. Chaque jour je me dis que j'ai pas le droit de laisser tomber. Même quand la pression prend la gorge sans me lâcher, je cours vers mes rêves, même quand je boite un peu. Je refuse l'échec, je me barre pas quand c'est périlleux. Je me dis qu'un jour je regarderai en arrière fier d'avoir tenté sans garantie, sans plan de rechange derrière. Pas de plan B, je vais droit dans la lumière. Même si j'ai peur, j'avance, je sais pas faire l'inverse. Pas de plan B, je me permets, je suis sincère. Je vise haut, même si les autres trouvent ça trop amer. Plan A jusqu'au bout, même si je sais pas où ça mène. On verra bien.